C'est vrai que c'est l'oiseau rare. Et il y en avait un autre qui était un oiseau rare. Il avait une très belle voix jazzy. C'est Al Jarreau qui est décédé il y a quelques jours seulement. On voulait lui rendre hommage avant le début de la saga des Fab Four avec ce titre bien connu, Boogie Down sur RIG. Sur RIG 90.7, regardez l'heure, il est 20h. Join me on RIG. RIG. Oh, la suite est vachement toujours de Nexo. C'est sûr. RIG 90.7. Ne cherchez plus, c'est 90.7. Ne cherchez plus. C'est la saga. Bonsoir à tous et à toutes, c'est Thierry Gallet et c'est la 325e saga des Fab Four, saga que j'ai intitulée aujourd'hui, puisqu'on est le lendemain de la Saint-Valentin, la Love Saga. C'est vous qui avez contribué à faire cette émission en me donnant vos propositions sur Internet, dans le groupe La Saga des Fab Four sur Facebook notamment. Et donc toutes les chansons sont des chansons d'amour, évidemment. Il y aura du McCartney, du Harrison, des Beatles, du Star, du McCartney, des Beatles, du Lennon, du Star, du McCartney, du... Ouais, enfin bref. Amour, amour, amour quand tu nous tiens. Pour ceux qui ont la chance, eh bien, on va ce soir passer 30 chansons d'amour et je vous promets qu'on va aimer ça. J'espère bien. Donc rendez-vous sur Facebook, je l'ai dit il y a quelques instants, dans le groupe La Saga des Fab Four, sur macaclub.com, dans l'espace La Saga des Fab Four, ou sur... comment ça s'appelle déjà ? Twitter. C'est la fatigue. Sur Twitter, avec le hashtag SagaFabFour. Fab, F-A-B-F-O-U-R. SagaFabFour. Voilà. Donc, je pense que on peut y aller. Comme ça, on va finir à l'heure, si vous voulez bien. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à commencer la première chanson ? Eh bien, c'est un petit peu curieux. Mais quelquefois, on peut dire que ça peut commencer par là. Ça commence sur The Back Seat of My Car, sur le siège arrière de ma voiture. C'est Paul McCartney qui nous chantait ça. Bonne soirée à tous et à toutes. extrait de Ram en 1971. Et lorsque vous avez une jeune fille à côté de vous, vous pouvez lui dire « To me, you are the loveliest thing ». C'est toujours Paul McCartney. To me, you are the loveliest thing I've seen all day. You can't take that away. No, you can't take that away. All my life I wondered why couldn't be this way. That was up until the day. Oh, it had to be this way. Today, wait until the morning comes. Before you slip away without permission, without suspicion, without permission given. You seem to have a friendly smile. La saga des Fab Four, c'est John, Paul, Ringo et George avec Thierry Gallet. I feel I can't say. écoutez ce que je tiens de la bouche de George Harrison, plutôt de la main de George Harrison, puisque c'est son livre « I'm in Mind ». Il dit que « What is Life » a été écrit pour Billy Preston en 1969. Il a écrit très rapidement, en 15 minutes ou une demi-heure peut-être, pendant son chemin pour aller aux Olympiques, au studio olympique à Londres, alors qu'il produisait l'un de ses albums. À cause de la situation lors de la session, il semblait trop difficile d'y aller là-bas et je me suis dit « Hey, j'ai écrit cette petite chanson assez catchy pendant que Billy était en train de faire ses trucs funky. » Et puis plus tard, je traduis littéralement ce qui est écrit. Plus tard, il a donc pris cette chanson pour « All Things Must Pass » et il a eu bien raison. Merci George Harrison. Les Beatles maintenant, Anna, Go To Him sur RG, premier album des Beatles, 63. Je fais appel aux anglicistes parce que c'est très curieux. J'ai bien regardé le titre sur l'album, c'est Anna, Go To Him. Et le chanteur dit Go With Him, j'en suis sûr et certain. Oh, mais alors, où est la réalité? Peut-être que c'est le titre Go To Him et puis qu'il a préféré chanter Go With Him. Et tiens, puisqu'on parle de Anna, on va parler de Lovely Rita. Ah oui, pourquoi pas. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et grâce au Beatles Magazine, vous pouvez tout savoir sur les tournées de Paul, les tournées de Ringo, les actualités de ces deux qui restent. Et puis même si la famille de John Lennon ou de George Harrison sortait un nouvel album, eh bien vous seriez au courant grâce à BeatlesMagazineUK.com. Vous êtes également au courant de tout ce qui gravite autour, comme par exemple aussi les émissions sur les Beatles, comme mon pote Michael Honorato, le lundi soir dans le New Jersey, et c'est le mardi matin très tôt pour nous, comme Brooke Alpin de l'autre côté des États-Unis sur la côte ouest avec Come Together with Brooke Alpin, c'est le samedi et le dimanche, et puis Kyle du Canada, ce coup-ci, cette semaine je les ai eu en entier, c'est le samedi il me semble, et il est au Canada. Voilà, ce que je connais cela. Il y a aussi un pote qui fait une émission en Italie

sur Facebook. Edgar, qui nous écoute pourtant de l'autre côté de l'Atlantique, nous signale que c'est Eric Clapton qui est à la guitare sur ce morceau-là. Merci Eric Clapton, merci Ringo Starr, merci les Beatles, quoi. Voilà, vous êtes bien sur RIG 90.7 et c'est, on fête l'amour ce soir. C'est la saga de l'amour concoctée par vous jusqu'à 22h avec, écoutez cette chanson-là, je vous ai choisi le live parce que en 1976... McCartney est au sommet de sa voix. Voici Beware My Love hurler rock and roll à souhait sur Wings Over America. oulala, on en prend vraiment plein les oreilles. J'adore ce concert. Achetez-vous ce concert. Wings Over America, c'est vraiment un must. C'est vraiment un truc extraordinaire. Merci Paul McCartney de faire des concerts comme ça. Et je vous assure que je chante absolument toutes les chansons et je hurle même, oui, mais le micro fermé, heureusement. Et j'ai fait exprès de parler là parce qu'il faut redescendre, il faut aller plus calme, tranquille, parce que nous revenons en 1962, octobre 1962, et ce titre, Love Me Do, tout simplement. Love me do, oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do. M'a demandé A Bit of You en 1975, je lui propose You et A Bit of You, A Bit More of You, les deux à la suite. En principe, c'est sur la première face et la première chanson de la deuxième face. Voici les deux, dans l'intégralité. Vous êtes sur RG 90.7, c'est George Harrison, la vedette là. disque et on recommence. Bonsoir, je m'appelle Pascal et je prends ma voix d'hôtesse de l'air pour vous dire que j'écoute la saga depuis Bordeaux. Bonne soirée avec Thierry. Une des plus belles chansons de George Harrison sur RIG 90.7, Love Comes to Everyone. Et j'espère qu'un jour, ça m'arrivera aussi. Bon, ça m'est arrivé déjà. Ouais, mais à nouveau, ce serait bien. C'est la saga de l'amour sur RIG. En fait, c'est amusant, quand je suis arrivé à la radio tout à l'heure, j'ai rencontré un des gars de la radio et puis il m'a demandé si j'avais un thème ce soir. Je dis oui, bah après le 14 février, on se refait encore de l'amour, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que le 14 février. Et la saga de ce soir est une saga love, une love saga. Il m'a dit, ah bien, bon thème et tout ça. Je lui ai dit, mais avec les Beatles, avec John, Paul, Ringo, George, parler d'amour, c'est facile. C'est le thème central de leurs chansons, la plupart du temps. Donc oui, c'est franchement. En fait, le plus dur, c'est de ne faire que 2 heures. C'est ça le plus difficile. Voici un autre exemple de la force de Paul McCartney sur mon album chouchou, Winter Rose Love Awake, sur RIG. Qui veut danser un slow avec moi? Je parle parmi les filles, bien sûr. Now the snow is on the ground. Winter rose, winter rose, shine your light in the air. Winter rose, winter rose. rain. But it's never too long before the sun. Retiens les paroles du sage Paul McCartney. It always comes again. J'espère. Et voici encore McCartney. Cette fois, c'est en 2001 et Your Loving Flame sur RIG. How can I hope to reach your love? Just to hold you, and had

and my baby be back home to me. Take good care of my baby. Take good care of my baby. Take good care of my baby. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Vous êtes bien sur RIG 90.7, www.rigfm.fr si vous nous écoutez via internet. Et c'est la 325e saga des Fab Four, une émission qui existe depuis 10 ans maintenant, c'est la 11e année sur RIG, mais qui existe en fait depuis 1984 dans le monde. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, donc il y a peu de personnes qui ont entendu ça. Il y en a quand même, j'ai eu cette surprise-là, qu'on puisse m'en parler des années après. Mais maintenant, l'audience peut être... tout autour du monde, puisqu'on a le plaisir d'écouter cette émission un peu partout dans le monde, en France aussi, bien évidemment. Et tant mieux, merci à vous d'être là, je vous assure que c'est un sacré moteur. Et puisqu'on parle de chansons d'amour, je vais vous parler de la plus belle chanson d'amour de John Lennon, celle qui est évidemment à propos de Yoko, mais qu'il a su rendre suffisamment large pour être à propos de toutes les femmes. Je vous dédicace cette chanson. Les filles, c'est John Lennon en 1980, vous l'avez deviné, voici Woman sur RIG. Laissez-moi avoir une pensée pour Alexandra, c'est pour elle. Woman, I can hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your Love You Now and Forever. C'est la première fois que cette chanson me tire une larme, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas d'explication à donner. Mais voilà, j'ai pleuré pendant la chanson. Bon, voilà, Silly Love Songs, en tout cas, c'est maintenant et c'est sur RG. Ouf.

Sophia qui marque sur Facebook, oh je l'aime tellement ce medley, et Julie Harrison qui enchaîne, Wanderlust, j'aime tellement cette chanson. Oui, je vous ai choisi le medley de 1984 de Give My Regards to Broad Street avec Yesterday, Here, There and Everywhere and Wanderlust à l'instant sur RIG dans la saga de l'amour. Sur l'album Pipes of Peace avec cette belle chanson So Bad, Ringo Starr à la batterie qui fait pop-pom lorsqu'il, on entend bien le pop-pom comme ça et on le voit avec la bouche faire pop-pom à chaque fois sur le clip, regardez le clip vous verrez bien, et c'est Linda qui a demandé à Paul de le chanter plus haut, elle trouvait que ça faisait bien joli et c'est vrai à Linda et à toutes les autres filles on leur renvoie All My Loving sur RIG. Close your eyes and I'll kiss you. Pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send

concentré de l'année 63-64. Quelle belle année 64. D'abord, All My Loving sur l'album With the Beatles, Words of Love sur l'album For Sale en 64 justement, et From Me to You, on revient en 63 avec un single, un très bon single. Quelques années plus tard, en 1974, Ringo Starr reprenait un hit des Platters d'une manière bien à lui. Only You and You Alone sur RIG, c'était extrait de l'album Goodnight Vienna. The sun was gonna shine. Merci Paul McCartney. Nous remontons le temps, on n'arrête plus la musique, là c'est bientôt fini, avec cette belle chanson de George Harrison en 1976 sur l'album 33 and one third. Oui, 33 et un tiers. Et ce superbe titre, Beautiful Girl, je vous le dédie à toutes les filles. Vous êtes mes Beautiful Girls. Et notamment toi. Saga de l'amour sans cette chanson, évidemment. you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be. Ainsi que s'achève cette 325e saga pleine d'amour. Merci à toutes et à tous. Et rendez-vous la prochaine fois pour une saga spéciale George Harrison. Dans quelques secondes, une petite pub interne, puis l'exceptionnelle émission d'Eric, Johnny de A à Z. Bisous aux filles, ouais, mon garçon. À très bientôt. Ciao.